قال المؤلف عليه رحمة الله باب الحث والتحريض عليها الحث والتحريض عليها chapitre sur le fait que la législation islamique a vivement enjoint les musulmans à accomplir cette prière. La prière de... Quelle prière, Elias ? صلاه الفجر احسنت قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نص حديث حديث de Abi Huraira. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: si les gens savaient ce qu'il y a comme récompense et comme bienfait lors de l'appel, ainsi que dans le fait de prier au premier rang, et qu'ils ne trouvent personne, et qu'ils ne trouvent pas d'autre moyen pour atteindre ces deux choses-là, c'est-à-dire le fait de faire l'adhan, il y a un très grand mérite. Et aussi dans le fait d'être dans le premier rang. S'il n'aurait trouvé aucun moyen pour atteindre ces deux choses-là, à l'exception d'un tirage au sort, hein, alors ils auraient pratiqué le tirage au sort pour se départager et voir qui mérite le plus d'atteindre ce degré. Ça, c'est pour vous montrer l'importance d'accomplir l'adhan ainsi que d'assister à la prière au premier rang. Et aussi, s'ils connaîtraient le bienfait d'assister à la prière du dhohr, ils se seraient concurrencés pour y participer. Et s'ils connaîtraient le bienfait qu'il y a dans le fait d'assister à la prière du Isha et la prière du Sobh, ils y seraient venus, ils s'y seraient rendus en rampant, c'est-à-dire à la prière du Sobh ou à la prière du Isha. فقوله عليه الصلاة والسلام لأتوهما ولو حبوا هذا حث شديد وتحريض آكد على شهودها في جماعة المسلمين. Donc le fait que le prophète dise il s'y serait rendu en rampant, ça c'est une manière d'enjoindre les gens. On ne peut plus vivre au fait de participer à la prière en groupe à la mosquée. La prière en groupe, la prière du Fajr ou la prière du Isha à la mosquée. حتى ولو لم يقدر على ذلك إلا بأن يحبو على ركبتيه. Donc le prophète il insiste sur le fait d'assister à cette prière, même si il ne peut se rendre à la prière que en rampant. فكيف إذا كان صحيحا معافى يقدر أن يأتيها على قدميه بدون مشقة. Donc là le prophète sallam il nous incite à nous rendre à la prière du Fajr, même si on ne peut y aller qu'en rampant. Alors qu'en est-il pour celui qui est en bonne santé, qui est préservé et qui peut s'y rendre en marchant sans le moindre problème, sans la moindre difficulté. فكيف إذا كان جارا للمسجد مسامة له وهو يتخلف عنها. Et qu'en est-il pour celui qui est considéré comme un voisin de la mosquée, qui est considéré comme un voisin de la mosquée, et malgré tout, il délaisse, il n'assiste pas à la prière en groupe à la mosquée. وإنما خصت صلاة العشاء والصبح بهذا لكونها في وقت ثقيل على بعض النفوس شهودها فيه. Et pourquoi ce mérite il est venu essentiellement concernant la prière du Subh et la prière du Isha? Parce que ce sont des prières qui s'établissent dans un temps où en général c'est dur pour les âmes. C'est dur pour les âmes de prier à ces heures-là. La siyama wa salatu al-fajr fi waqti ijtidad an-nawm wa mayl an-nafs ila ar-raha wallahu al-musta'an. Et surtout encore plus en ce qui concerne la prière du Fajr, car elle s'effectue dans un temps où le sommeil est facile. Et dans un temps où l'âme aspire au repos. ثم قال باب فوائد شهود صلاة الفجر من حافظ عليها أصبح في ضمان الله وأمانه. طيب. كذلك toujours parmi les mérites du fait d'assister à la prière du Fajr en groupe à la mosquée, le fait que celui qui est constant dans cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Allah subhanahu wa ta'ala le protège et le place en sécurité tout au long de sa journée. An Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله عز وجل فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. Donc là le prophète عليه الصلاة والسلام il fait la bonne annonce à ceux qui accomplissent la prière du Fajr en groupe en disant que que celui qui accomplit la prière en groupe, que celui qui accomplit la prière du Subh, Allah Azza wa Jal se porte garant pour lui. Allah Subhanahu wa Ta'ala se porte garant. Et celui sur qui Allah se porte garant, on ne lui demandera quoi que ce soit. C'est-à-dire, il n'aura pas de compte à rendre. نعم. قال واشتمل هذان الحديثان على فائدة عظيمة يحرزها المسلم بصلاة الفجر في جماعة المسلمين. وذلك أنه بافتتاحه يومه بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى وتلبيته نداءه له قد استجار الله قد استجار بالله سبحانه وتعالى والله تعالى حينئذ يجيره. Et ça, c'est un grand mérite pour celui qui commence sa journée par répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal. L'appel d'Allah qui n'est autre que l'adhan du Fajr. Donc il commence sa journée par répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Et en vérité, ça sous-entend une demande de protection. On demande à Allah qu'il nous protège et qu'il nous place sous sa protection. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa protection. Il accorde sa protection à celui qui prie Salat al-Fajr. طيب يا اخوان في الحقيقه حتى وان كان الشيخ ها هنا يذكر ان هذا لمن صلاها في جماعه الصحيح ان هذا يشمل من صلاها في جماعه او صلاها على انفراد لان الادله لا تدل ولا تخص يعني من صلاها في جماعه الأدلة الصحيحة وفي بعض الرواية يذكر فيها لفظ الجماعة لكن الله أعلم بصحتها. Là le cheikh il sous-entend que ce mérite là il est propre à celui qui prie la prière du Fajr en groupe, mais en vérité ça englobe même celui qui prie le Fajr seul, c'est-à-dire dans sa maison ou autre. Parce que dans les adillah qu'il a évoqué, il n'y a pas le fait, il n'y a pas la précision, celui qui a prié la prière du Subh en groupe. Et c'est venu dans d'autres versions. Mais Allah est plus savant sur l'authenticité de ces versions. والذي أحفظه من شيخنا يحيى أنه ذكر أن هذا يشمل الذي يصلي في الجماعة وكذلك على انفراد. Donc شيخنا يحيى lui est de l'avis que ce mérite là précisément il concerne celui qui a pris la prière en groupe ainsi que celui qui l'a prié seul dans sa maison, yani à son heure. Ça reste un mérite de la prière du Fajr, que lorsque celui qui prie la prière du Fajr à son heure, il se retrouve directement, et ce durant tout au long de sa journée, sous la protection d'Allah Azza wa Jalla. فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى ومن تجرأ على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يطلبه بحقه ومن يطلبه الله لم يجد مفرا ولا ملجأ منه. Et donc celui qui est sous la protection d'Allah عز وجل, il ne convient à quiconque de s'opposer à lui par un quelconque mot ou par un quelconque tort. Au défaut de quoi, Allah subhanahu wa ta'ala demandera des comptes à celui qui s'est opposé à son serviteur par un quelconque tort. Et si Allah il demande des comptes à quelqu'un, cette personne-là ne trouvera aucun échappatoire. Aucun échappatoire et aucune issue. Wa fil hadith, wa'idun shadidun liman yata'arrad lil musallin bisu' wa targhib akid fi hudur salati as-subh. Et donc dans ce hadith, il y a une grande menace. Il y a une grande menace pour celui qui s'oppose aux prieurs, pour celui qui s'oppose aux prieurs en leur faisant du tort. Et il y a le fait aussi d'enjoindre les musulmans à participer à la prière du subh. Naam. طيب ثم قال الذي يحافظ عليها يصبح نشيطا طيب النفس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم ثلاث عقد. Et aussi, parmi les mérites de cette prière, on termine juste sur ce dernier mérite, que celui qui prie la prière du subh, il commence sa journée en étant de bonne humeur. En étant de bonne humeur. Et il sera de bonne humeur et le contraire de paresseux. Oui, en français, nashit, le contraire de paresseux, motivé, voilà, vif, motivé et de bonne humeur. Ça, c'est ce qui résulte de la prière du subh. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abi Huraira que Shaitan, lorsque l'un d'entre nous s'endort, il attache autour de lui trois nœuds. نعم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا سبحان الله à chaque nœud qu'il fait autour de l'être humain, il dit que ta nuit soit longue, que ta nuit soit longue. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهِ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ. Et donc le croyant, s'il se réveille, s'il vient à se réveiller, et il invoque directement Allah Azza wa Jal, qui connaît une invocation à dire lorsque tu te réveilles, hein? Celui qui se réveille et qui dit cette dua là ou une autre, il y a un des nœuds de ces trois qui se défait directement. Wa idha tawadda'a in halat anhu 'uqdatan. Et lorsqu'il accomplit ses ablutions, voilà qu'un autre nœud se délie. فَإِذَا صَلَّا إِنْ حَلَّتْ الْعُقْدَ الْعُقَدْ. Et s'il accomplit la prière juste après, voilà que tous les nœuds seront défaits. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبُ النَّفْسِ وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Et on verra l'explication du hadith demain, inshallah. Donc le prophète il dit une fois que les nœuds sont défaits, voilà que l'individu se trouve de bonne humeur, vif et motivé. Sans quoi, il se serait réveillé de mauvaise humeur et paresseux. Naam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam ya Rayan.